Quand elle se vit entre les mains un papier au lieu d'avoir ses pièces d'or, elle perdit la tête et alla consulter M. Rivet, devenu depuis 15 ans le conseil, l'ami de sa première et plus habile ouvrière. En apprenant cette aventure, M. et Mme Rivet grondèrent Lisbeth, la traitèrent de folle, honnirent les réfugiés dont les mener pour redevenir une nation compromettait la prospérité du commerce, la paix à tout prix. Et ils poussèrent la vieille fille à prendre ce qu'on appelle en commerce des sûretés. « La seule sûreté que ce gaillard-là peut vous offrir, c'est sa liberté !» dit alors M. Rivet. M. Achille Rivet était juge au tribunal de commerce. « Et ce n'est pas une plaisanterie pour les étrangers, » reprit-il. « Un Français reste 5 ans en prison, et après il en sort sans avoir payé ses dettes, il est vrai, car il est plus contraignable que par la conscience qui le laisse toujours en repos. Mais un étranger ne sort jamais de prison. Donnez-moi votre lettre de change. Vous allez la passer au nom de mon teneur de livres. Il la fera protester, vous poursuivra tous les deux, obtiendra contradictoirement un jugement qui prononcera la contrainte par corps. Et quand tout sera bien en règle, il vous signera une contre-lettre. En agissant ainsi, vos intérêts courront et vous aurez un pistolet toujours chargé contre votre Polonais. La vieille fille se laissa mettre en règle et dit à son protégé de ne pas s'inquiéter de cette procédure, uniquement faite pour donner des garanties à un usurier qui consentait à leur avancer quelque argent. Cette défaite était due au génie inventif du juge au tribunal du commerce. L'innocent artiste, aveugle dans sa confiance en sa bienfaitrice, alluma sa pipe avec les papiers timbrés, car il fumait comme tous les gens qui ont ou des chagrins ou de l'énergie à endormir.